Chapitre 33e. Une visite du matin. On doit se rappeler qu'indépendamment de tous ses chagrins, Mary était depuis près d'un an sans nouvelles de Frank. Elle n'avait jamais entendu parler de lui, ou plutôt elle avait ouï dire qu'il était éperdument amoureux d'une demoiselle de Londres. Cette nouvelle venait d'une source si douteuse, elle lui parvenait d'une manière si détournée, et sentait tellement la politique de Lady Arabella, qu'elle l'attribua à la malignité et n'y attacha aucune importance. Il se pouvait que Frank lui fût infidèle. Il était plus que probable qu'il s'amuserait à faire la cour à quelques dames, puisque c'était là son péché dominant, et que l'on ne manquerait pas d'en tirer parti contre elle. Mais elle attendait des preuves moins suspectes pour en être convaincue. La demoiselle de Londres, hélas, n'était pas une pure fiction. Frank, après avoir pris ses grades universitaires, était parti, ainsi qu'il en avait été convenu, pour l'étranger, et avait fait le grand voyage à la mode, c'est-à-dire qu'il avait remonté le Nil, traversé la mer Rouge, visé le mont Sinaï. De là, il s'était rendu à travers le désert à Jérusalem et était revenu par Damas, Beyrouth et Constantinople, rapportant avec lui une longue barbe, un fez rouge et un chibouk. Puis il avait passé 2 mois à Londres, où il avait été reçu dans tous les salons que le crédit des De Courcy lui avait ouverts. Et il était vrai qu'une certaine beauté de la saison, de cette saison et de plusieurs précédentes, avait été captivée par l'éclat soyeux de sa longue barbe. Frank avait probablement été plus démonstratif, plus sensible même qu'il n'aurait dû l'être, et de là cette nouvelle qu'on n'avait colportée qu'avec trop d'obligeance dans Greshamsbury. Mais Frank Gresham avait aussi vu une autre demoiselle à Londres, à savoir Miss Dunstable, et Mary eût sans doute voué beaucoup plus de reconnaissance à cette demoiselle si elle eût pu se douter de tout ce qu'elle faisait pour elle. Miss Dunstable ne permettait pas à l'amour de Frank de se ralentir. Quand il parlait des difficultés qu'il rencontrait à chaque pas, elle lui reprochait de se laisser entraver par des niaiseries et lui disait que tout homme qui recule devant chaque obstacle n'est pas digne d'arriver à son but. Quand il faisait allusion à l'argent, elle lui disait de le gagner lui-même, et finissait toujours par lui offrir d'aplanir toute difficulté à cet égard. « Non, se disait Frank, je n'ai jamais eu l'intention de la prendre elle et son argent, et je ne prendrai certainement pas son argent tout seul. » Un jour ou deux après la visite de Miss Auriel, Mary reçut de Béatrice le billet suivant. « Cher, bien chère Mary, j'irai vous trouver demain à midi. Je serai si heureuse de vous voir. Je l'ai demandé à maman, qui m'a répondu qu'elle ne s'y opposait pas pour cette fois. Vous savez que si je n'ai pas été vous voir, ce n'était pas ma faute. Frank revient le 12. Monsieur Auriel désire que notre mariage ait lieu le 1er septembre. Cela ne vous semble-t-il pas bien prompt? Mais papa et maman se rangent de son côté. Je n'en dirai pas davantage, puisque nous aurons une si délicieuse causerie ensemble. Oh, Mary, j'étais si malheureuse sans vous. » Signé Béatrice. Quoique Mary fût enchantée à la pensée de revoir son amie, il y avait cependant dans cette lettre quelque chose qui l'oppressait. Elle ne pouvait supporter l'idée que Béatrice fût obligée de solliciter la permission de la voir. Cependant, elle ne refusa pas cette visite, et dès qu'elle vit Béatrice, dès qu'elle se sentit pressée dans ses bras, son ressentiment fut apaisé. Alors Béatrice se laissa aller sans réserve à la délicieuse causerie qu'elle s'était promise. Mary la laissa donner libre cours à sa joie, et pendant 2 heures, les deux amies discutèrent avec une ardeur presque égale des devoirs, des privilèges et de la responsabilité d'une femme de pasteur. Ces devoirs et cette responsabilité n'étaient pas précisément les mêmes que ceux qui ne tombent que trop souvent en partage à la maîtresse d'un presbytère anglais. Béatrice ne serait pas condamnée à rendre la vie confortable à son mari, à élever ses enfants, à s'habiller convenablement et à exercer une charité libérale avec un revenu de 200 livres sterling par an. Ses devoirs et sa responsabilité devaient être d'autant plus agréables qu'elle aurait au moins 8 fois le montant de ce fardeau mondain à dépenser. De plus, vivant comme elle le ferait tout près du manoir et non loin du château de Courcy, elle jouirait de tous les avantages et de tous les privilèges que pouvait lui offrir la bonne société du comté. Dans le fait, tout était couleur de rose pour elle, ou s'il se laissait-elle aller à une causerie pleine de charme avec son ami. Il était cependant impossible qu'elles se séparassent sans qu'il eût été question de la position de Mary. Il eût peut-être mieux valu qu'il en fût ainsi, mais c'eût été trop exigé de la nature humaine. « Vous savez, Mary, que je pourrais vous voir aussi souvent que je le voudrais, vous et le docteur, quand j'aurai une maison à moi. » Mary essaya vainement de sourire. « Et vous savez bien combien cela me rendra heureuse ?» continua Béatrice. « Maman, bien entendu, ne pourra plus exiger que je me conforme en tout à ses ordres. S'il le permet, lui, il n'y aura pas d'empêchement, et il le permettra, vous pouvez en être sûre. » « Vous êtes bien bonne, Béatrice. » Mais Mary prononça ces mots d'un ton bien différent de celui avec lequel elle les eut prononcés un an auparavant. « Voyons, qu'y a-t-il, Mary ? Ne serez-vous pas contente de venir nous voir ? Je ne sais pas, ma chérie, cela dépendra des circonstances. Ce sera toujours un véritable bonheur pour moi de vous voir, vous. Et ne serez-vous pas contente de le voir, lui ? Oui, certes, s'il vous aime, mais bien sûr qu'il m'aime. Cela seul devrait me suffire, Béatrice. Mais qu'arriverait-il si des circonstances qui nous sépareraient encore venaient cimenter la division entre vos amis et les miens ? Le mien, devrais-je dire, car je n'en ai qu'un. Des circonstances, quelles circonstances ? Vous allez épouser l'homme que vous aimez, n'est-ce pas ? Certainement. Et n'est-ce pas pour vous une pensée délicieuse ? Oui, délicieuse en vérité. Mais je ne suis pas aussi pressée que lui, dit Béatrice, dont les pensées retournaient sans cesse à ses propres affaires. Et supposez que je désire épouser l'homme que j'aime, dit lentement et gravement Mary en regardant en face son amie. Béatrice, étonnée, comprit à peine ce qu'elle voulait dire. J'espère bien que vous le pourrez un jour, dit-elle enfin. Non, Béatrice, vous espérez justement le contraire. J'aime votre frère, j'aime Frank Gresham aussi sincèrement, aussi tendrement que vous aimez Monsieur Auriel. Vraiment ? Dit Béatrice en la regardant fixement et en poussant un long soupir. Cela vous semble-t-il étrange ? Vous aimez Monsieur Auriel, quoique vous l'ayez à peine connu 2 ans. Est-ce donc si singulier que j'aime votre frère que j'ai connu presque toute ma vie ? Mais, Mary, je croyais. J'avais toujours cru comprendre que vous ne teniez pas à lui, que vous ne l'aimiez pas d'amour, j'entends. J'ai toujours cru que vous le disiez, et je l'ai dit à maman comme venant de votre part. Béatrice, ne dites rien à Lady Arabella comme venant de ma part. Je ne désire pas qu'on lui parle de moi d'aucune manière. Dites-moi vous-même ce que vous voulez. De vous, rien ne me fâchera. Je sais déjà tout ce que vous voudriez me dire, et cependant je vous aime. Oh, je vous aime tant, Béatrice, je vous aime tant. Ne m'abandonnez pas. Il y avait chez Mary un tel mélange de tendresse et d'impétueuse fierté que la pauvre Béatrice pouvait à peine la comprendre. Vous abandonnez, Mary ? Non, jamais. Il vaut mieux que vous sachiez tout, Béatrice. Et alors, vous ne combattrez plus pour moi. Vous ne pouvez d'ailleurs me faire remporter la victoire. J'aime votre frère. Je l'aime véritablement, tendrement. Je voudrais l'épouser comme vous désirez épouser Monsieur Auriel. Mais, Mary, vous savez bien que vous ne le pouvez pas. Pourquoi ? Dit vivement Mary. Pourquoi ne puis-je pas l'épouser ? Si le prêtre prononce la bénédiction sur nous, ne serons-nous pas mariés aussi bien que vous et votre mari ? Mais vous savez bien que Franck ne peut épouser qu'une femme riche. Une femme riche. Il doit se vendre pour de l'argent. Ah, Béatrice, vous, du moins, ne me parlez pas d'argent. C'est horrible. Mais, Béatrice, j'en conviens. Je ne puis l'épouser. Et cependant, je l'aime. Il a un nom, un rang dans le monde. De la fortune, une famille, de la naissance, une position. Il a tout, et moi, je n'ai rien. Vous êtes-vous engagée réciproquement, Mary ? Il ne s'est pas engagé, mais moi, je le suis. Non, Mary, cela est impossible. Il en est cependant ainsi. Il a ma promesse et je n'ai pas la sienne. Mais Mary, à quoi bon vous être engagée envers lui si vous ne pouvez l'épouser ? À rien, j'en conviens. Mais puis-je y faire quelque chose si je l'aime ? Suffit-il pour m'empêcher de l'aimer que je le désire ? Ah, je le ferais si je le pouvais. Mais vous comprendrez maintenant pourquoi je me refuse à aller chez vous. Nous suivons 2 chemins complètement opposés. Béatrice, consternée, resta un moment silencieuse. Ce que Mary disait de la différence de leur position était parfaitement vrai. Béatrice aimait tendrement son amie, mais cette affection reposait en grande partie sur la conviction que Mary elle-même désapprouvait la conduite de Frank. Et maintenant un changement devait nécessairement s'opérer dans ses idées. Mary avouait sa faute, se reconnaissait coupable de tous les torts dont Lady Arabella l'avait accusée, et se déclarait prête à commettre le crime dont Béatrice l'avait toujours disculpé avec tant de chaleur. Rendons justice à Béatrice. S'il se fut douté auparavant de l'amour de Mary pour Frank, elle eut fini par lui témoigner plus ou moins de sympathie, et après cette confession, il ne devait pas tarder à en être de même. Mais la soudaineté de cette déclaration sembla pour le moment paralyser son cœur, et elle oublia de parler avec tendresse à son amie. Elle gardait donc le silence, et semblait se dire qu'elles avaient en effet des chemins tout différents à suivre. Mary vit tout ce qui se passait dans le cœur de Béatrice, mais non, elle n'y vit que la désapprobation, le regret, et non ce fond caché d'affection qui était capable avec le temps d'étouffer tous ses sentiments hostiles à sa cause. « Je suis contente de vous avoir dit la vérité, » reprit-elle en contenant son irritation, « car je déteste la fausseté et l'hypocrisie. »« C'était un malentendu, ce n'était pas de l'hypocrisie, » dit Béatrice. « Très bien, et maintenant nous nous comprenons. Vous savez que j'ai un cœur qui, comme celui de beaucoup d'autres jeunes personnes, n'est pas toujours facile à gouverner. Lady Arabella croit que j'intrigue pour devenir un jour la maîtresse du manoir. Vous, du moins, vous ne le croirez pas. S'il pouvait se faire que Frank ne fût plus l'héritier de Greshamsbury, je pourrais avoir quelque espérance de bonheur. Mais, Mary, eh bien, vous dites que vous l'aimez. Oui, je le dis. Mais s'il ne vous aime pas, cesserez-vous de l'aimer? Si j'ai la fièvre, je dois tâcher de m'en guérir. En pareil cas, il faut m'en débarrasser ou mourir. Je crains que vous ne connaissiez pas très bien le véritable caractère de Frank. Il n'a pas fait pour se marier de bonne heure. Dans ce moment, il s'était pris d'une jeune personne à Londres qu'il ne peut naturellement pas épouser. Ce que Béatrice disait là, elle le disait dans toute la sincérité de son cœur. Elle avait entendu parler de la nouvelle passion de Frank, et y ajoutant foi sur parole, elle pensait qu'il valait mieux dire la vérité à son ami. Mais cette information n'était pas de nature à calmer Mary. « Très bien, » dit-elle, « qu'il en soit ainsi, je n'ai rien à redire à cela. » « Mais ne vous préparez-vous pas de grands chagrins ?»« Très probablement. »« Oh, Mary, ne soyez pas si froide avec moi. Vous savez combien je serais heureuse de vous avoir pour belle-sœur, si cela était possible. »« Oui, Béatrice, mais c'est impossible, n'est-ce pas ? Impossible que Francis Gresham de Greshamsbury se déshonore en épousant une pauvre créature comme moi. » « Je le sais. Je me prépare une existence malheureuse. Il peut me faire une déclaration à moi, puis à une autre. C'est son privilège. Et pour s'en tirer, il suffit de dire qu'il n'est pas fait pour se marier de bonne heure. Je connais ma position. Et cependant, je l'aime. Mais, Mary, vous a-t-il demandé de l'épouser ? S'il en est, c'est une question bien oiseuse que vous me faites là, Béatrice. Permettez-moi de vous en faire une à mon tour. Vous a-t-il dit qu'il me l'eût demandé ? Béatrice n'était pas disposée à récapituler tout ce que Frank lui avait dit à ce sujet. Un an auparavant, avant son départ, il avait répété 20 fois à sa sœur qu'il avait l'intention d'épouser Mary Thorne si elle l'acceptait. Mais Béatrice considérait maintenant tout cela comme des propos de jeunes évaporés. Il était bien malheureux que Mary les eût considérés autrement. « Nous garderons chacune notre secret, » dit Mary. « Seulement rappelez-vous, Béatrice, que si Frank se mariait demain, « je ne me croirais nullement le droit de l'en blâmer. Il est parfaitement libre en ce qui me concerne. Il peut épouser cette dame de Londres si cela lui plaît. Vous pouvez le lui dire de ma part, mais ce que je vous dis, indépendamment de cela, je ne le dis qu'à vous. »« Oui, » dit tristement Béatrice, « je n'en parlerai à personne. C'est triste, bien triste. J'étais si heureuse en arrivant, et maintenant me voilà toute désolée. » Telle était la conclusion de la délicieuse causerie que Béatrice et Mary avaient si ardemment désirée. « Ne vous affligez pas à cause de moi, chère Béatrice. Je supporterai mon chagrin. Je m'imagine quelquefois que je suis née pour être malheureuse. Embrassez-moi, Béatrice, et ne vous désolez plus. Pensez à Monsieur Auriel. » Au moment de sortir de la maison, Béatrice aperçut le docteur Thorne dans sa petite pharmacie. Elle eût volontiers passé outre, s'il eût été sûr de pouvoir le faire sans être remarqué, car son cœur débordait et ses yeux étaient remplis de larmes. Mais il y avait si longtemps qu'elle n'était venue chez le docteur qu'elle aurait craint de paraître impolie et peu aimable. « Bonjour, docteur, » lui dit-elle en s'efforçant de sourire. « Ah, ma petite fée, » dit-il en guettant son alambic et en s'approchant d'elle. et vous aussi vous vous disposez à devenir une respectable matrone ?»« Non, certes, docteur, pas avant 10 ans au moins. Mais qui vous l'a dit ?»« Je suppose que Mary m'a trahi. » »« Oui, je le confesse. Mais n'avais-je pas le droit de le savoir, moi qui vous ai si souvent porté des bonbons dans mes poches ?»« Je fais des vœux bien sincères pour votre bonheur. Auriel est un excellent homme. » « N'est-ce pas, docteur ?»« Excellent. Je ne lui avais jamais entendu reprocher qu'un seul défaut. »« Lequel ?»« Celui de croire que les pasteurs ne devaient pas se marier. »« Mais vous l'avez corrigé, et maintenant il est parfait. »« Merci, docteur. »« Je dois dire qu'aucun de mes amis ne m'a fait un compliment plus agréable. »« Et aucun de vos amis ne vous souhaite plus de bonheur. »« Je vous félicite, Béatrice, et j'espère que vous serez heureuse avec l'époux que vous avez choisi. » Et prenant les deux mains de la jeune fille dans les siennes, il les pressa affectueusement en invoquant sur elle la bénédiction du ciel. « Oh, docteur, j'espère que le temps viendra bientôt où nous serons de nouveau tous amis. »« Je l'espère aussi, chère Béatrice. Mais que ce temps arrive ou non, mes sentiments pour vous seront toujours les mêmes. » Le lendemain matin, à l'heure du déjeuner, le docteur entra dans la salle à manger en tenant une lettre ouverte à la main. Il paraissait vivement contrarié. « Ce malheureux jeune homme a encore fait des siennes, » dit-il à Mary. « Voici une lettre de Grayson. » Grayson était un médecin de Londres qui soignait Sir Louis, mais dont la véritable mission était de veiller de près sur le baronnet et de prévenir le docteur Thorne quand les choses allaient par trop mal. « Voici une lettre de Grayson. Sir Louis a été ivre pendant 3 jours, et maintenant il est dans un état nerveux terrible. »« Vous ne retournerez pas à Londres, n'est-ce pas, mon oncle ?» « Je sais à peine ce que je dois faire. »« Non, je ne pense pas y aller. »« Il parle de venir à Greshamsbury. »« Qui, Sir Louis ?»« Oui. Grayson dit qu'il viendra aussitôt qu'il pourra quitter la chambre. »« Comment ? Ici, dans cette maison ?»« Sans doute. Où voulez-vous qu'il aille ?»« Oh, mon oncle ! J'espère qu'il ne viendra pas. »« Je vous en prie, ne le laissez pas venir ici. »« Je ne puis lui fermer ma porte, ma chérie. » Ils se mirent à déjeuner, et Mary servit le thé en silence. « Je vais à Boxall Hill avant le dîner, » dit enfin le docteur. « N'avez-vous aucun message pour Lady Scatcherd ?»« Non, vous lui ferez mes amitiés, naturellement, » dit Mary d'un air distrait. Puis une pensée sembla la frapper tout à coup, et elle reprit avec vivacité. « Mais ne pourrais-je pas retourner à Boxall Hill ? J'en serais enchantée. »« Comment ? Pour fuir Sir Louis ? » ?»« Non, ma chérie, nous ne nous séparerons plus pour faire plaisir aux autres. » D'ailleurs, Sir Louis ira probablement aussi à Boxall Hill, et il pourrait vous y ennuyer plus qu'ici. « Mais mon oncle, » dit-elle en rougissant, « Monsieur Gresham sera de retour vers le 12. »« Comment, Frank ?»« Oui, Béatrice dit qu'il revient le 12. »« Et vous voudriez aussi le fuir, Marie ?»« Je ne sais pas. Je ne sais que faire. »« Non, vous ne vous éloignerez plus. »« Je regrette maintenant que vous vous soyez jamais éloigné. »« Je n'aurais jamais dû y consentir. C'était une folie. »« Mon oncle, » « je ne suis pas heureuse ici. » Et en disant ces mots, Mary posa sa tasse de thé et, s'accoudant sur la table, elle inclina son front sur ses mains. « Et seriez-vous plus heureuse à Boxall Hill ?»« Non, je le sais. Je ne m'attends pas à être heureuse nulle part, mais je serai plus calme, plus tranquille ailleurs qu'ici. » « Je me dis aussi quelquefois qu'il vaudrait mieux quitter tout à fait Greshamsbury et aller nous établir loin, bien loin. Qu'en pensez-vous, ma chérie ?» Loin, loin de Greshamsbury. Il y avait dans ses paroles quelque chose qui résonnait si tristement aux oreilles de Mary. Greshamsbury lui était encore si cher, en dépit de tout ce qui s'y était passé. Était-elle bien préparée à s'en éloigner dans l'intention de n'y plus revenir et de rompre toute relation avec ses habitants? Telle est-elle, le savait, la nature de la proposition de son oncle. Aussi restait-elle, la tête toujours appuyée sur sa main, sans répondre à la question qu'il lui avait adressée. « Non, dit-il enfin, nous resterons encore quelque temps. Nous en viendrons peut-être là, mais pendant quelques mois encore faisons face. Je ne dirai pas à nos ennemis, car je ne puis appeler mon ennemi aucun de ceux qui portent le nom de Gresham. » Puis il continua en silence son déjeuner. « Ah, Frank revient le 12, dit-il enfin. « Oui, mon oncle. » « Eh bien, ma chérie, je n'ai pas de questions à vous faire, pas de conseils à vous donner. Je sais combien vous êtes prudente. Je ne m'inquiète que d'une chose, c'est de votre bonheur, et nullement... »« Quant à du bonheur, mon oncle, c'est une chose impossible. » »« Le bonheur n'est jamais une chose impossible, mon enfant. Mais comme je vous le disais, je suis convaincu que votre conduite vous fera honneur. Je n'ai donc aucune question à vous faire. Nous resterons ici, et quoi qu'il arrive, nous pourrons lever la tête sans rougir. » Mary gardait le silence et recueillait tout son courage pour le sujet qui lui tenait le plus à cœur. Elle lui donnait tout au monde pour que son oncle lui adressât quelques questions. Il lui était impossible de lui parler franchement de Frank, à moins qu'il ne l'y encourageât lui-même. « Viendra-t-il ici ? » demanda-t-elle à voix basse. « Qui ? Sir Louis ? Oui, selon toute probabilité, il viendra. » « Non, je parle de Frank, » dit-elle encore plus bas. « Ah, ma chérie, c'est ce que je ne puis vous dire. Mais serait-ce bien qu'il vint ici ? » ?»« Je ne sais pas, » dit-elle. « Je suppose que non. Mais, mon oncle, je ne pense pas qu'il vienne. » Elle avait quitté la table et s'était assise sur le sofa. Son oncle se leva, s'assit à côté d'elle et lui prenant la main. « Mary, » lui dit-il, « montrez de la force. De la force pour souffrir, non pour attaquer. Je crois que vous possédez cette force, sinon il vaudrait mieux nous éloigner. »« Je serai forte, » dit-elle en se levant et en se dirigeant vers la porte. « Ne vous inquiétez pas de moi, mon oncle. Ne me suivez pas, je serai forte. Ce serait lâche à moi de fuir, lâche de vous entraîner dans ma fuite. » « Non, ma chérie, cela me serait parfaitement égal. Non, je ne veux pas fuir Lady Arabella. Et quant à lui, s'il aime cette autre femme, je ne lui ferai aucun reproche. Mon oncle, je serai forte, » répéta-t-elle en courant à lui et en se précipitant dans ses bras. Puis, retenant toujours ses larmes, elle se retira dans sa chambre où nous ne la suivrons pas pour constater la mesure de sa force.